Bonjour, chères auditrices et auditeurs. Vous écoutez Tranche d'Anard, une émission anarchiste sur Radio Air Libre. Notre studio est toujours en travaux, donc nous avons pré-enregistré cette émission. Notre sujet pour aujourd'hui, c'est la commémoration de l'assassinat de Semira Adamu. Du 14 septembre au 13 octobre, des collectifs, associations et militantes organisent une série d'actions d'intervention dans l'espace public, des concerts, des débats, etc. Ce samedi 15 septembre, Tranche d'Anard sera présente à Waste to Nigeria, une journée au Sticky, à la Vieille Chichette et au MEDEX, le musée éphémère de l'exil, tout à Saint-Gilles. Concrètement, nous allons monter les studios mobiles à la Vieille Chichette avec nos amis de Radio Panique pour enregistrer notre émission de la semaine prochaine, entre 18h et 21h. N'hésitez pas de passer nous voir, d'intervenir dans l'émission et de nous payer des verres. Mais pour ce soir, vous aurez d'abord Claude Semal, un entretien avec Stéphanie de la coordination pour la commémoration, un montage de journal télévisé et de reportage de l'époque, un morceau de l'émission Propense de l'Aube de lundi passé qui creuse un peu plus la programmation, merci Radio Panique, une chanson d'Alessio Lega et ses amis et un entretien avec plus d'infos sur Waste to Nigeria où nous serons donc présentes ce samedi. Bonne écoute. Dis-moi, Semira, pour atterrir dans mon pays froid, quel désir ou quel effroi t'as fait partir de là-bas? Dis-moi, Semira, la vie des femmes au Nigeria, ton amour tu le choisiras, ici ou là-bas? Dis-moi, Semira, est-ce un crime d'être né là-bas? Pourquoi sans papier signifie-t-il sans droit, centre fermé ou Sabena? Va dire en Afrique à tous tes voisins comment les flics en Belgique accueillent tes cousins. Va dire en Afrique à tous les enfants qu'on met leurs parents dans des camps. Dis-moi, Semira, craignait-il donc tellement ta voix qu'il se soit mis à 12 à la fois pour te faire cela? Dis-moi, Semira, le premier te tenait les bras, le second étouffait ta voix, et le dernier filmait tout ça. Va dire en Afrique à tous tes cousins ce que les flics en Belgique font avec les coussins. Va dire en Afrique à tous les parents qu'on met des enfants dans les camps. Dis-moi, Semira, quand la foule a pleuré sur toi, fallait-il pour qu'elle t'admirât t'arracher la voix? Dis-moi, Semira, ton corps n'était pas encore froid qu'un journal a craché sur toi pour t'étouffer une seconde fois. Va dire en Afrique, dans tous les micros, ce que les flics en Belgique racontent aux journaux. Mais dis-leur aussi d'en reparler quand nous aurons fait fermer ces camps. Va dire en Afrique à tous tes voisins comment les flics en Belgique accueillent tes cousins. Mais dis-leur aussi d'en reparler quand nous aurons fait fermer ces camps. Dis-moi, Semira, si tu veux me prêter ta voix, ta chanson s'envolera ici ou là-bas. Dis-moi, Semira, ta chanson s'envolera pour répéter comme un cœur qui bat

on veut qu'il se passe quelque chose, mais en même temps c'était ouvrir un espace pour qu'il se passe d'autres choses qui ne soient pas attachées obligatoirement à la coordination, mais qui se passent et qui ramènent à la question Samira, et à la question des expulsions, et à la question des centres familiaux. Et qu'est-ce qui se passe exactement alors maintenant le week-end de 22-23 ? Par exemple, pour donner un exemple d'activité, d'action. Alors le 22, il y a toute une journée de conférences. Il y a plusieurs journées de conférences qui sont organisées et qui auront lieu le matin et en début d'après-midi. Et puis en soirée, surtout, il y a un moment important qui se passera au parc, un moment festif, populaire, ouvert absolument à tout le monde. Un moment de concert où il y a un podium et qui sera, dont l'endroit a été choisi évidemment symboliquement. De façon très méticuleuse, puisque ça aura lieu au parc Maximilien, là où sont dispatchés tous les soirs quelques centaines de migrants qui sont hébergés par des personnes qui habitent en Belgique. Et donc c'est symboliquement un endroit extrêmement important. Donc il y aura des concerts, il y aura des prises de parole politiques, mais c'est un moment populaire. C'est vraiment un moment, parce que c'est aussi important, pas de faire la fête parce que quelqu'un est mort, mais de faire la fête parce qu'on est ensemble pour faire la fête et qu'on est solidaire. Et que c'est important de faire la fête parce qu'on est solidaire entre nous. C'est une façon de se retrouver en tant que militant, d'une façon ou d'une autre, que ce soit parce que j'ouvre ma porte en tant qu'hébergeuse, que ce soit parce que je prépare les repas qui sont distribués toutes les semaines aux migrants, parce que je fais des actions contre les centres fermés, parce que j'écris des choses et que j'ai l'occasion en tant que professeur de pouvoir toucher le monde académique. Peu importe, parce que je suis sans papier et que je suis dans une occupation et que évidemment que ça me touche parce que c'est aussi mon avenir qui est en jeu. Et si ce mouvement de soutien aux sans-papiers contre les centres fermés, etc., peut perdurer après les commémorations des 20 ans de Samira, c'est aussi un enjeu particulier pour la question des sans-papiers, puisque les revendications qui sont dans l'appel sont ceux de la liberté de circulation, de la régularisation des personnes sans-papiers, en attendant une liberté de circulation qui soit effective, qui sont évidemment la fin des centres fermés. Et on se rappellera quand même que c'est un moment très particulier pour demander la fin des centres fermés, alors que on a deux familles, 9 enfants et 2 mamans seules qui sont pour le moment fermées de nouveau au centre 127 bis dans des unités familiales, ce que la Belgique ne faisait plus depuis plusieurs années, d'où cette nécessité de résistance évidemment. C'est pour ça qu'on les voit aussi dimanche, le 23 septembre. Et donc le 23 septembre, c'est un moment de rassemblement devant le centre 127 bis, effectivement. Centre 127 bis, parce que c'est là qui était enfermé Samira, et puis c'est aussi celui qui est le plus proche de Bruxelles, donc ouais. En termes d'accès, c'était plus facile. Et c'est très important parce que lorsque nous serons devant le centre 127 bis, il y aura toujours des gens à l'intérieur. Et ça permet aussi de faire du bruit et de faire en sorte qu'eux sachent qu'ils ne sont pas oubliés, qu'il y a un soutien extérieur, qu'ils ne sont pas oubliés, et que oui, on continue à essayer de faire des choses et essayer de faire en sorte qu'ils sortent. Et voilà, et donc ce sont des moments populaires importants. Mais il est tout aussi important d'aller écouter des conférences qui vont parler d'intersectionnalité sur la question non seulement des migrants et la question des femmes, et la question du patriarcat, parce que c'est pas non plus un hasard, Samira c'était une femme, faut pas l'oublier, c'est particulier. Alors il n'y a pas que des femmes en centre fermé, il n'y a pas que des femmes qu'on expulse, mais elles ont besoin d'une protection particulière qu'elles n'obtiennent pas. Et aujourd'hui c'est pas non plus un hasard si ce sont des mamans seules avec leurs enfants qui sont en centre fermé 127 bis dans les unités familiales. Il n'y a pas le papa, pour diverses raisons, mais il n'y a pas le papa. Et donc ça aussi, ça veut dire quelque chose. Samira, elle fuyait son pays parce qu'elle fuyait un mariage forcé. Elle avait tout juste 20 ans. Et donc, ça permet d'envisager la question non pas des centres fermés ou des expulsions ou de l'immigration sous un seul angle, mais sur plein d'angles différents. Et ça, c'est important aussi de le rappeler. Et c'est important d'avoir des moments où on va pouvoir aussi découvrir la nourriture du pays de Samira, où on va pouvoir entendre la musique qui vient de son pays. Parce que ça aussi, c'est important. C'est aussi le genre de rendez-vous qui fait partie de ce qui est organisé dans les moments de commémoration Samira. Tout est important. Il y a des moments d'intervention dans l'espace public aussi, évidemment. Parce que l'espace public, c'est rappeler que les gens sont vivants, qu'ils sont là et qu'ils existent. Et le fait qu'il y ait des marques sur les murs, sur des noms de rue, sur des choses qui rappellent que ces personnes existent, c'est très important. Parce qu'en fait, une des choses que l'État belge essaye de faire, c'est de les faire disparaître. Oui. Et c'est vrai que... Si on ne les voit plus, il y a un problème, on ne fera plus de rafles, on ne les arrêtera plus. Ils gênent personne, en fait, mais il ne faut pas qu'on les voit. Il ne faut surtout pas qu'on entende parler d'eux, il ne faut pas qu'on les voit. Pas qu'ils fassent de bruit, alors on peut tolérer les choses. Parce que, voilà. Ouais. Mais non, c'est surtout important, justement, de rappeler ça. Oui, tout à fait. Et donc, pour la revendication, tu dis qu'il y a des débats, sur le féminisme et autres, mais aussi sur les revendications que tu as nommées tantôt. Et si j'ai bien compris, la clôture de la semaine de Samira, c'est aussi avec un... Oui, ce sera le 13 octobre, et donc ce sera au Cinéma Nova. Et il y aura de la musique, évidemment, quand même. Ouais. mais il y aura surtout un moment de débat important et de débat et de discussion d'alternatives et de ce qu'on peut faire pour le futur. Et ça s'appelle « Et la suite ?» Assemblons-nous. Et donc la question est évidemment très large. Assemblons-nous et discutons de ce qu'on va faire ensemble pour la suite, parce que les 20 ans de la commémoration Samira, ce n'est pas un point final du tout. Et notamment pour la question de la régularisation des sans-papiers, comment est-ce qu'on continue à s'organiser pour faire en sorte que cette régularisation arrive et que ces personnes qui sont aussi sur le territoire belge, elles appartiennent au territoire belge, elles en font partie de la vie de ce pays, et donc il n'y a pas de discussion sur le fait qu'elles doivent rester, mais elles doivent rester dans des conditions qui sont bonnes pour elles, c'est-à-dire avec des papiers, sans risquer l'arrestation, et en ayant la possibilité de travailler, en ayant des droits comme n'importe quelle autre personne sur le territoire belge. Et donc comment fait-on ensemble pour rassembler cette énergie de cette vingtaine d'événements, la mettre ensemble pour la suite? Ouais. Donc c'est pas juste... C'est pas un point final. C'est ça, ouais, oui, pas c'est du tout. C'est surtout pas un point final. Ouais. C'est trois petits points. Ouais, ok. Non. Super. Comment est-ce que les gens peuvent connaître le programme? Comment vous allez mobiliser comment? Alors, il y a un site internet donc, qui est facile à retenir, c'est www.semiraadamou2018.be. Bon, il suffit de taper dans Google ou dans n'importe quel moteur de recherche Samira Adamou 2018 et on trouve le lien facilement. Il existe aussi pour les gens qui sont sur Facebook une page Facebook Samira 2018 qui regroupe l'entièreté des événements, ainsi que le site internet évidemment, sur lequel on trouve le texte d'appel en plusieurs langues qui peut toujours être signé à la fois par des groupes, des collectifs, qu'ils soient formels ou informels, mais aussi par des personnes individuelles. Pour le moment, il y a 95 groupes qui sont signataires, groupe encore une fois avec toutes les variantes possibles du mot groupe, mais il y a aussi un bon nombre de personnes qui ont signé ces textes à titre individuel, ça aussi ça veut dire quelque chose. Et la coordination Samira elle est très diverse, et c'est pas juste des ASBL ou des groupes qui travaillent sur la question des migrants ou des migrations d'une façon ou d'une autre, c'est aussi plein d'autres qui se sentent concernés pour des questions de société, tout simplement, et que c'est totalement... c'est illogique de ne pas y être. Ouais. C'est juste impossible de ne pas y être. Okay. Les deux sources d'information, c'est vraiment celle-là, c'est le site internet et la page Facebook pour ceux qui sont sur Facebook. Il y a aussi une partie des événements qui sont déjà sur IndieMedia, mais tout n'est pas encore là. Mais ce sera aussi, il y aura aussi une mise en page particulière pour que les gens puissent s'y retrouver plus facilement, parce qu'évidemment dans la multiplication des événements, voilà. Surtout n'hésitez pas à nous contacter par le biais du site internet ou de la page Facebook, on vous répondra. Allez évidemment à venir participer, voire même à proposer un peu de votre temps si vous avez 2 heures pour participer et que vous ne savez pas comment. Nous on a des propositions à vous faire, puisque pour des événements comme les concerts qui vont prendre lieu en parc et les prises de parole ou le rassemblement, où il y a une exposition qui va s'étendre sur plusieurs jours et donc il faut une permanence. Donc il y a des choses à faire pour des gens qui n'ont pas le temps ou qui ne sont pas déjà intégrés dans la coordination Samira ou qui n'ont pas du temps pour des réunions, ce genre de choses, mais qui ont envie de donner du temps et de le moment même. Ouais. Voilà. Mm-hmm. Et ça, c'est important. Et envoyez-nous un petit mot parce qu'on vous répondra comment on fait pour l'organisation. Ensemble. Ouais. Et puis, il y a aussi un crowdfunding qui est encore d'actualité pendant quelques jours, qui permet de récolter de l'argent parce que tous ces événements coûtent de l'argent, ne fût-ce que pour la technique, il faut louer du matériel, il y a des choses, tout ne se fait pas sans argent. donc c'est aussi important et c'est aussi une façon de participer qui est effective, de donner un peu pour ça. Oui, oui, ok. Et donc ça commence spécifiquement donc le 14 septembre. Oui. Tout à fait. C'est jusque le 13 octobre. Voilà. Et voilà. Et donc, c'est mieux d'aller vérifier quelle date les gens peuvent venir. Tout à fait. Juste un petit dernier mot qui est important, c'est que Semira et ce qu'elle représente appartient à tout le monde et pas à une coordination. Mmh. Et que donc, si en nous entendant aujourd'hui, il y a des gens qui se disent « Moi aussi, j'ai une idée, j'aimerais bien faire un petit quelque chose », ça ne doit pas forcément être un concert au Parc Maximilien. Hein. Oui. On peut faire tout ce qui est à notre portée de faire. Et je voudrais bien que ce soit un peu visible. Surtout faites-le et surtout informez-nous parce que ça fera en sorte de rendre visible ce que vous faites. Oui. Allez, bien merci. Et voilà, à bientôt. À bientôt. Salut. Il n'y a pas que des opposants aux politiques qui aboutissent en Belgique. D'autres sont là pour fuir des situations impossibles. Comme Semira, cette jeune Nigériane de 20 ans qui est devenue à un moment le symbole de la lutte des refoulés. À 5 reprises, on a essayé de l'expulser. À 5 reprises, elle a résisté et réussi à rester en Belgique, en l'occurrence au 127 bis, où les contacts avec l'extérieur sont difficiles. Ce jour-là, c'est un membre du collectif anti-expulsion que Semira avait réussi à joindre. I came to Belgium from Nigeria because I'm supposed to be married out to someone who I don't know, someone who is dangerous to me. And he is much more older than I am, and he's a man that I don't think is right for me. I hardly know him, and he's kind of dangerous because he already had wives, formerly, and he murdered one of his wives. He split acid on her, and me marrying that guy will not be safe for me because he's the violent type, and I can't be safe with him. On the 21st of July, they came in very early in the morning and said I have 20 minutes to dress up because I have to go back to my country. So I packed up my things. I could not even take a shower. I forgot some things again because they were hurrying me up. And reaching the airport, they tied me up immediately. Tied my legs, tied my hands double, twice. And they kept me in the cell. It's an isolated cell. And from 7 o'clock till about 10:30, when they took me out of the cell to go to the flight. Then getting there, we waited for some time before we went inside the flight. We went inside the flight exactly when the flight was ready to move. And then they started forcing me. I was shouting. There were about 8 men, security from Sabina and police officers. They pushed me down. One of them was pressing my mouth with a pillow. He almost suffocated me, and the others were pressing me all over my body so that I can shout. And the passengers interfered. They all started complaining, and it was like a fight in the aircraft between the passengers and the security and the police officers. So they had to take me out. Mm-hmm. Okay. So what happened then? Took you back to the cell? Reaching the center, they kept me in the isolation cell again. I was there from at about 12:30 on Tuesday afternoon until the next day, 4 p.m. Yeah. Incident ce matin à l'aéroport de Bruxelles National lors de l'expulsion d'une jeune femme. Elle est hospitalisée dans un état critique. Semira Adamou a 20 ans. Au mois de mars, elle fuit le Nigeria où ses parents voulaient la marier sans son consentement à un homme de 65 ans, polygame et réputé violent. Réfugiée en Belgique, sa demande d'asile a été refusée. Elle habitait au centre fermé 127 bis. Après 5 tentatives d'expulsion, Semira est en quelque sorte devenue le symbole de la lutte du collectif contre les expulsions avec qui elle communiquait régulièrement. Je suis malheureusement obligé de vous annoncer le décès de Madame Semira. La thèse allait s'installer qu'en réalité, elle était morte par hasard d'une hémorragie cérébrale. Par coïncidence. Par coïncidence et pas de quelque chose parce qu'on l'avait un petit peu empêché de respirer. Comme c'était tellement impensable, connaissant la situation, et on a su que ce n'était pas de l'automutilation, on a su que ce n'était pas simplement un accident. Les images de l'expulsion de Semira Adamou ont été présentées au procès des 5 gendarmes. Vous savez, ce qui fait le plus mal dans Semira Adamou, c'est de voir comment elle est arrivée. En chantonnant, en murmurant et puis en soufflant. Et puis en ne soufflant plus. C'est insoutenable. Qu'est-ce qu'il faut avoir fait dans la vie pour être puni? Au niveau des changements politiques, oui, on peut dire qu'elle est morte pour rien, malheureusement. Ce à quoi ce drame a au moins servi, c'est, je le disais au début, c'est une prise de conscience. Je pense qu'il y a plus de citoyens maintenant et d'associations qui sont conscients et impliqués sur ces questions-là. C'est Mira, le premier de tenir les bras. Le second est tout fait d'avoir. Lydia. Oui. Voilà. Mais moi, j'attendais que tu parles, ah, hein, je te regardais. D'accord. Je me disais, ouais. Tiens, j'ai monté les micros, c'est ça. Donc, on est toujours avec la coordination Semira Adamou, chère Anaïs. Et on va passer un petit peu sur, concrètement, les événements là, qui s'annoncent pour les jours, semaines qui viennent. Oui. Le programme est très vaste, il s'étend sur un mois. Au début, ça devait être un week-end, ça devait être 3 jours, le 21, 22, 23, et puis finalement, c'est un mois. Donc, c'est plutôt chouette. Mais donc, on va peut-être... Voilà. Oui, faire une sélection. Oui, on n'aura peut-être pas l'occasion de tout présenter, mais il y a donc le programme qui est très détaillé, qui est en ligne. C'est Semira 2018, hein. www.semira2018.be. Semira Adamou 2018.be. Ouais, c'est ça. On mettra ça sur le site de Penny, oui, tout de ça. De toute façon. Et donc, ouais, c'est assez varié. On a voulu vraiment pouvoir... multiplier les genres, donc il y a autant des rencontres, débats que des actions un peu plus militantes, symboliques sur certains lieux symboliques de nouveau de l'enfermement en Belgique. Il y aura des soirées avec des films, du théâtre, des concerts. Il y aura des ateliers poétiques et radiophoniques, des expositions. Donc voilà, c'est assez vaste. Je ne sais pas par quoi on peut commencer, Shaher. Moi, j'avais juste envie de mettre en lumière un débat qui allait... parler de Semira, mais sous l'angle du genre et donc et de l'intersectionnalité. Et ça s'appelle l'assassinat de Semira Adamou au prisme de l'intersectionnalité. Ce sera le 20 septembre à 18h au Pierino Fabrique. Et donc on aura une chercheuse, Fabienne Brion de l'UCL. Enfin voilà, il y aura quand même des personnes qui ont un peu... penser, réfléchir cette violence, mais au prisme à la fois du caractère des étrangers, parce que finalement c'est ça l'intersectionnalité, c'est à la fois de parler de nationalité ou de différence de race, j'aime pas ce mot, mais c'est comme ça qu'on peut le présenter, et à la fois sa condition de femme, et parce que c'est quand même un truc important à dire. Semira, en fait, fouillait un mariage forcé avec un type qui avait genre 35 ans de plus qu'elle. Et donc, c'est à la fois déjà une violence faite aux femmes dans le pays d'origine, et puis, encore une fois, une violence faite aux femmes à partir du moment où on les enferme en centre fermé et où on utilise la violence, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est utiliser de la violence pour les expulser. Donc voilà, je trouve que c'était intéressant de voir comment la violence peut s'exercer aujourd'hui sur les femmes. Et voilà. Ouais. La date de ce... Le 20 septembre, 18h au Piano Fabrique. C'est un cycle de 3 séminaires. C'est ça. Du jeudi 20 au samedi 22. Oui, ouais, ouais. Avec un autre, juste pour le citer quand même, Droit des migrants depuis 1998 à l'Université populaire de Bruxelles. Et les nouveaux dispositifs de contrôle, répression et résistance aussi à l'Université populaire de Bruxelles. Donc voilà, c'est... Ça peut être intéressant de voir justement quels sont les nouveaux dispositifs de contrôle. Et par dispositif de contrôle, moi je pense tout de suite aux familles qu'on arrête aujourd'hui sur le chemin de l'école. Voilà, donc ça il faut le dire aussi, c'est des choses qui sont totalement inacceptables. On peut pas faire des choses pareilles, et pourtant aujourd'hui on voit que c'est des méthodes qui sont appliquées à la fois en collaboration avec la STIB dans les transports en commun, mais aussi voilà, tout simplement en allant à la sortie de l'école ou à la sortie de la maison le matin à 8h. Voilà, c'est vraiment c'est un peu odieux quand même, quoi. Voilà. Donc il y a des comme ça des débats, hein. Et alors là, Chaer, tu en parlais dans le 20 septembre. Anaïs, est-ce que tu veux nous en présenter un autre? Mais donc le Chaer a présenté un autre événement qui lui se déroule le 22. C'est ça, hein? Ouais. Ouais, 22. Mais il y a des séminaires, mais donc qui ont peut-être une forme un peu plus classique. Voilà, avec des interventions, et puis il y aura évidemment de la place pour des débats avec le public qui sera là. Mais il y a aussi une autre forme qui a été pensée, qui sont plus des rencontres échanges. Et donc là, il y a 3 soirées. La première, c'est le 24 septembre. Ça va tourner autour des inculpés de trafic d'êtres humains, la solidarité et sa criminalisation à l'espace citoyen. Et donc là, on va aborder en fait l'affaire qui a lieu pour l'instant et pour lequel il y a eu un rassemblement il y a 3-4 jours au palais de justice. Et donc c'est des personnes qui sont aujourd'hui inculpées pour trafic d'êtres humains, pour avoir en fait hébergé chez elles des migrants. Et donc normalement on aura cet échange avec notamment un ou des avocats de ces inculpés, dont certains seront là aussi. Il y aura une deuxième soirée d'échange le 25 du 9, là le lieu est encore à confirmer, et donc ce sera une soirée autour de la détention des familles avec enfants dans les centres fermés dont parle Chaer. Voilà, il y aura aussi une série de témoignages et puis des échanges autour de ça avec certaines associations qui sont fort actives sur ce sujet-là. Et puis une troisième soirée d'échange le 26 septembre à l'espace citoyen de nouveau. Et là, ce sera sur tout simplement « C'est quoi un centre fermé ?» Voilà. Chose importante en fait à... Oui, effectivement. À remettre, ben oui. Effectivement. C'est vrai. Rappeler un peu l'histoire... voilà, de ces espaces qui ont été donc créés en 88 et en 2018, ils sont davantage construits. Et puis ceux à venir. Oui, oui, oui, parce qu'évidemment, pour ça, il y a de l'argent. Donc notre gouvernement actuel prévoit de doubler le nombre de places en centre fermé. Ça, il faut quand même le dire. Donc c'est pas seulement les enfants qu'on enferme, mais en plus, on va augmenter la capacité des centres fermés pour enfermer toujours plus de gens. Ce qui, soit dit en passant, coûte une fortune, hein, d'enfermer les gens. Il faut bien se rendre compte que expulser quelqu'un, ça coûte très très cher à l'État belge, quoi. Donc je comprends pas bien pourquoi on met autant d'argent pour finalement finalement, après, on peut même plus se regarder dans la glace, alors qu'on met plein d'argent pour finalement faire des choses qui sont totalement amorales, quoi. Donc voilà, c'est un peu, il faut quand même le dire, que le contribuable paye aujourd'hui une politique inhumaine, migratoire inhumaine. Tous ces policiers qui courent après des sans-papiers pour essayer de les enfermer et les expulser, ça coûte une fortune. Et du coup, en plus, ils ne s'occupent même pas des vrais problèmes de criminalité, du coup. Et alors, ce 26 septembre aussi, lors de cet événement, il y aura un jeu de fléchettes Franken. Je tenais à souligner là, comme ça, parce que je le lis. Tu m'apprends quelque chose, Didier. Voilà. Ça se passe où? L'espace citoyen, là, durant cet événement-là, c'est quoi, un centre fermé? Grand concours. un bon petit exutoire, là, comme ça. Oui. Alors, des débats, on vient de faire... un petit tour de ces débats, débats et conférences, et enfin voilà, là on est plutôt sur un moment informatif et puis un échange. Fred, oui. Tu me regardes. Soit on peut lancer sur des moments plus militants, manifestations, ouais, ou des moments plus culturels, parce que enfin il y a les, enfin ouais, il y a beaucoup de choses dans ces semaines d'événements, donc à que vous voulez, militants d'abord, tout est militant. Les rassemblements et manifestations. Mm-hmm. Mais il y a au moins une date vraiment qui sera importante, ce sera le 23. Il y aura un grand rassemblement devant le 127 bis, où ce sera une fois de plus l'occasion de montrer qu'on n'est pas juste deux à pas être d'accord, qu'on enferme des gens et qu'on sera nombreux à dire on veut pas qu'on enferme des gens. Et ça, c'est important que la pression sur le gouvernement et que le soutien aux gens enfermés soit visible le plus possible pour envoyer un message clair qu'on n'acceptera jamais, et que 20 ans après on est toujours là et qu'on n'acceptera jamais qu'on enferme des gens innocents en centre fermé. Donc ce sera le 27 octobre, le 23 octobre à 14h. Merci Lydia. Devant le centre fermé 127 bis. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, pour y aller, si jamais il y a des départs en commun en train depuis Bruxelles Midi, Bruxelles Centrale, etc. Vers 13h. Il y a des covoiturages aussi qui pourront être organisés. Ouais. Donc, il y a un événement sur Facebook qui tourne. Donc voilà, c'est pas très compliqué de s'organiser pour y aller. Mmh, voilà. C'est sûr. Y a encore deux autres rassemblements qui ont été pensés. Alors il y en a un qui va se dérouler le 22 septembre, le soir, à partir de 17h au Parc Maximilien. Le mot d'ordre de ce rassemblement, c'est « Des morts, plus jamais ça ». Donc ce sera un rassemblement, mais on pourra en reparler après, parce que c'est ça, peut-être un rassemblement un peu plus culturel que réellement revendicatif, comme la manif du 23. Il y aura des interventions de certaines personnes sur la politique migratoire et les conditions dans les centres fermés, et puis des concerts, certaines interludes qui seront pensées aussi. Enfin voilà, ça, on pourra en reparler. Ça reste revendicatif, hein. Ah oui, oui. Oui, c'est certain que c'est aussi... c'est un rassemblement qui se veut un peu plus festif, mais ce sera aussi l'occasion de toucher un autre public et de rappeler qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui à faire ce rassemblement. Et donc il y aura plusieurs personnes qui seront invitées à prendre la parole. Je peux pas encore vous dire qui elles seront, mais en tout cas on a déjà quelques pistes, mais je peux pas encore vous les donner. Mais voilà, ce sera à la fois festif et à la fois revendicatif et dans la bonne humeur. Voilà, il y aura VSP, le collectif sans papier, qui prendront la parole. Il y aura Collecte Active qui vous fera manger, il y aura des maquilleuses pour les enfants, ça va être sympa. Et alors oui, il y a quand même Azmari, qui est un très très chouette groupe de musique, qui viendra d'ailleurs au Festival des Libertés aussi d'ailleurs bientôt, et Dalva, qui est aussi un chouette groupe de musique, Les autres, je les connais pas. Je dis pas qu'ils sont pas chouettes, mais c'est en tout cas, je les connais pas. Ouais, voilà. C'est juste que je les connais pas, mais en tout cas, ces deux-là, je les connais et c'est très très chouette. Donc, je vous invite tous le 22 septembre au Parc Maximilien à venir les écouter. Puis la fête est aussi un bon moyen de revendication. Tout à fait. Tout à fait. Et la suite, assemblons-nous. Oui, donc ça c'est le 13 octobre au Cinéma Nova, et c'est le soir à 19h. Et donc ça c'est un peu pour clôturer le mois d'action qui aura été organisé pour la commémoration de Semira Adamou. Et donc c'est ouvert à tous, c'est gratuit, et c'est l'idée de, voilà, de se réunir pour réfléchir à certaines, enfin à ouvrir quoi, à essayer d'élaborer des pistes d'action pour la suite. Voilà, c'était pour essayer de donner une continuation à tous les événements qu'on organise là maintenant. Oui, parce que ce sera un bon mois comme ça, avec beaucoup de choses. Voilà. Et puis il y a toujours un et après quoi. Et l'idée c'est de pas s'arrêter là, évidemment. Voilà ça. Oui. Di gente che più non viaggia. Dorme per sempre l'ipocrisia, la scalda il lume della bugia. Dorme il pirata nel salvagente, chiusa nel camion dorme la gente. Dorme la fiaba, la culla longa, stella di mare e la coscienza sopra il sofà dorme abbracciata con la pietà. Una risacca contro lo scoglio, si spegne il faro con l'erba voglio. Dormono un sonno molto profondo tutti quei sogni del sud del mondo. Tra i sogni e l'occhi c'è capestro mari, ignai piscadori, fracchieste cestafari, anai cananduri, camente le marine, fracasse per sette e non tira confine, urai che sti sorti, francese muraturi, e lunde saline, frammentere i cunduri, e le praie s'assorti e buttanende fuori, izzarti, strupenti, undandussi mori. Pesce cane dorme speranza, senza più un letto, senza una stanza, senza ritorno, senza più niente. Senti una nenia viene da oriente, che sale piano come preghiera. Dormi bambino, sale piano come preghiera. Dormi bambino che adesso cadute studate, la rasa rimeschette e vutte strumule, rieca ripendette, ci spunsero scardi, rapistri e rovinossi, l'undata ne sciolte e spulse gli stimoni, cantigni e ruinissi, in Russia spunza spunza, e l'onza e capusco strumaria ci ripunza, la notte scimette e spasso mantus su sul lutto l'infierno. infierno, sulla stessa in paradiso, a Buddha San Confucio, castiero di madre in piazza, e non c'era Nenzi da spintare ancora, un Nenzi e l'inti sull'interna paura. Tutti quei sogni del sud del mondo, dormo non sonno molto profondo. Dormono i grilli con le cicale, dorme la barca in fondo al mare. Bonsoir, on est ici pour annoncer un événement qui va se passer le 15 septembre. Ways to Nigeria, qui fait partie des semaines de commémoration de Semira Adamu. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où est venue l'initiative de cette journée? Oui, donc suite à l'appel et le texte de la coordination Semira Adamu, dont plusieurs groupes, personnes, collectifs, associations sont signataires, Une personne artiste, de graffeur, de fresque murale, avait proposé en fait, pourquoi pas pendant cette période où on commémore quand même l'assassinat de Semira Adamu et aussi son combat contre l'enfermement des migrants, contre les centres fermés, pourquoi pas visualiser cela dans l'espace public. Donc créer des portraits de Semira Adamu, mais aussi des fresques murales qui interpellent les personnes, qui font référence à tout ce combat-là. Et moi et quelques personnes, on trouve ça une chouette idée, donc on s'est lancé dans l'organisation, donc trouver les endroits, les artistes qui veulent faire ça, la logistique, programme. Et voilà, suite à cette idée, il y a tout un programme qui s'est fait maintenant samedi prochain, le 15, autour du coup de cette construction d'une fresque murale. Et ça va se passer où? Donc ça sera sur la petite place, en face de café, la vieille chachette et le steaky. Et la Buissonnière, qui est tout sur le croisement de rue Monténégro et chaussée de forêt, ou rue Monténégro, rue Théodore Vragen. Pas loin de métro Port d'Aal, place Bethléem. Mmh. Donc pendant cette journée-là... Ça commence à 10h, je vois. Ouais. Oui, pendant la journée, de 10h à 18h, donc les deux artistes, Dake 25 et Lair, feront deux énormes fresques murales. Et voilà, tout le monde est bienvenu pour passer, discuter, boire un coup, voir, interpeller, échanger et tout ça. Et ensuite, la soirée continue avec un espace dédié au Nigeria, au MEDEX. Le MEDEX, c'est le musée éphémère de l'exil, qui est du coup un des bâtiments qui donne sur la place aussi. Et donc, il y aura des contes et un repas et une exposition autour du Nigeria. Vers 21h, il y a le cinéma, Urban Cinema, qui projettera plusieurs courts-métrages sur la place. Et la soirée se termine avec une soirée afrobeat des années 70 du Nigeria, au MEDEX aussi, avec DJ Mukambo et les grands méchants Loop. Et donc je vois que les gens, c'est mieux de ne pas arriver trop tard, parce que c'est fini à 2h, je pense. Donc voilà. Si vous voulez pas rater la fête de clôture, ben venez plus tôt et puis venez profiter alors de tout le programme. Donc, venez voir les fresques, ouais. Venez boire un coup, venez manger un bon repas, venez voir un petit film et danser ensuite. Voilà, ça c'est la programmation du 15 qui est un peu au début de toute une programmation pendant plusieurs jours, presque un mois. tout autour de la commémoration de l'assassinat de Semir Adamou en 98. Et voilà, pour rassembler les forces aussi et se mettre ensemble et réfléchir sur toute cette lutte autour des centres fermés et la répression face aux migrants et personnes en séjour régulier. Donc bienvenue à tous. Tout le programme est sur le site semiradamou2018.be. Et pour tous les événements, il y a encore plus de détails sur Facebook, si vous voulez, ou voilà, sur le site. Ok, merci. À samedi. À samedi.